Lee Soo-yeon, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du travail de Corée et chef de la délégation du Parti du travail de Corée en visite en République démocratique du Congo, s'est entretenu avec des hautes personnalités. Le chef adjoint du département politique du secrétariat de la présidence, Jean-Pierre Kambila Kangwende, le président de la chambre basse, Obeng Minaku Unjalan Joko, le secrétaire général du Parti uni lumumbiste du Congo démocratique, Antoine Gizenga, le ministre de l'Information, Rombert Mende Omalanga, et le vice-premier ministre et ministre de l'Emploi et du Travail, Willy Makiashu. Lee Soo-yeon a transmis au chef adjoint les salutations du maréchal Kim Jong-un adressées au président Joseph Kabila Kabange. Le chef adjoint en a exprimé sa reconnaissance et a prié son interlocuteur de transmettre les salutations cordiales du président Joseph Kabila Kabange au maréchal Kim Jong-un, président du comité des affaires d'État de la République populaire démocratique de Corée. Par ailleurs, la délégation du Parti travail de Corée conduite par Lee Soo-yeon est arrivée le 16 à Luanda, capitale d'Angola, pour participer au 7e congrès du Mouvement populaire de libération d'Angola et pour sa visite dans ce pays. Précédemment, la délégation coréenne a quitté Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, au terme de sa visite.